Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui, juste avant de partir. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Hélène Bizio et Louise Loubrieux. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire de Pauline Dubuisson. Qui est-elle ? Or, tous les qualificatifs lui ont été jetés au visage. Ravageuse, garce, orgueilleuse, perverse, manipulatrice. Policiers, juges, journalistes, opinion publique, tous rivalisent pour dresser à charge, toujours, le portrait de cette jeune femme. Comme si leur intention ultime était d'exclure Pauline Dubuisson de la communauté des hommes, en faire un monstre, pour précisément sauver l'humanité. Mais qu'a-t-elle fait pour mériter cela ? Le 17 mars 1951, à l'âge de 24 ans, elle tue son ancien amant, Félix Bailly, de 3 balles de revolver. Son procès cristallise une tension inédite. Parce que derrière ce drame, la personnalité et le parcours de Pauline Dubuisson plongent les Français dans une histoire encore récente et douloureuse que chacun s'efforce d'oublier, celle de la Seconde Guerre mondiale et des années d'occupation. Pendant près de 60 ans, ce fait divers aux multiples et tragiques rebondissements a inspiré des livres, des enquêtes, des romans et un film, oui, surtout un film, La vérité de Clouseau, avec Brigitte Bardot dans le rôle de Pauline Dubuisson. Pendant près de 60 ans, des erreurs, des rumeurs, des contre-vérités ont été reprises, relayées, amplifiées. Alors, qui est Pauline Dubuisson ? Pour nous aider à comprendre un peu mieux la vie tragique de cette femme, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Jean-Luc Seigle, écrivain, scénariste et auteur de « Je vous écris dans le noir », un livre dans lequel il raconte à la première personne la seconde partie de l'histoire de Pauline Dubuisson qui s'exile au Maroc et tente une autre vie sous un faux nom. Et c'est ici que commence la fiction. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juste avant de partir, de François Luciani. 3 secondes suffisent pour bouleverser une vie. Le 17 mars 1951, moi, Pauline Dubuisson, j'ai tiré sur mon amant, Félix Bailly, et je l'ai tué de 3 balles de revolver. J'avais 24 ans. Mon procès a défrayé la chronique, suscité des haines incroyables. Aux yeux de tous, j'étais la perverse, la garce, la vicieuse. J'ai échappé de peu à l'échafaud. J'ai été condamnée à perpétuité, mais j'ai été libérée pour bonne conduite en 1959, après 8 années de prison. À ma libération, j'ai voulu changer d'identité en espérant échapper à la mémoire de tous. Mais la vérité, le film de Georges Clouseau, soi-disant inspiré de mon histoire, a bouleversé à nouveau ma vie. À la sortie du film, très éloignée de la vérité, justement, où Brigitte Bardot interprète mon personnage, un vrai mensonge, j'ai décidé de quitter la France, de m'exiler. J'ai obtenu un poste d'interne en médecine à l'hôpital d'Essaouira, au Maroc. Je suis devenue André, une femme comme les autres, un médecin apprécié, sans histoire. La vie peut reprendre ses droits, parfois, mine de rien. J'ai rencontré Jean. Un garçon plein de charme. Il est ingénieur. Et je me suis mise à rêver d'un avenir avec lui. Cet homme prévenant que j'aime d'un amour vrai, sans ombre. Un mariage. Tout recommencer. Écrire avec lui la page d'une vie nouvelle, pure, sans tache. Mais comment lui avouer Pauline, l'autre, celle du passé, la tueuse ? Depuis la fenêtre de ma chambre, si je me penche un peu, je peux apercevoir l'océan. Alors je lui écris, nuit et jour. Mais ce matin, jeudi 22 septembre 1963, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai renoncé. J'ai avalé trop de barbiturique. Martha m'a donné de l'eau. C'est une fille bien, Martha. Elle sait prendre soin des autres femmes lorsqu'elles vont mal. Mais je crois que c'est trop tard. Autour de moi, des dizaines de feuilles dispersées racontent mon histoire. André, la douce, contre Pauline, la tueuse. Ce sont des mots de tous les jours, écrits à la hâte, le cœur battant, juste avant de partir. Inter, actualité. Jean-Pierre Cabache au micro. C'était aujourd'hui un dimanche pas comme les autres. Le premier jour de septembre, d'abord, le temps du retour, ou au contraire celui des vacances. J'ai réussi à capter la radio française ce matin. Mon cher Jean, J'ai réussi à capter la radio française ce matin. Il paraît que là-bas, c'est la rentrée pour tout le monde. Je te l'avoue bien volontiers, l'actualité de la politique ne m'intéresse pas beaucoup, même si j'espère que la guerre au Vietnam va bientôt finir. Après l'Algérie, il serait quand même grand temps de connaître enfin la paix. J'espère que tout est calme là où tu es. Prends bien soin de toi, surtout. J'attends tes nouvelles, André. Mon amour, je t'écrirai plus longuement dès que j'aurai un moment. Ne t'inquiète pas pour moi. Ici, les travaux avancent bien. Nous attaquons demain le forage en zone sud. Je serai de retour bientôt. As-tu pu faire les démarches à l'ambassade pour le mariage, fixer une date? Je suis si impatient. Dis-moi tout bien vite, Jean. Je l'aimais. Je dévorais ses lettres comme une gamine impatiente. Je lisais et relisais chaque soir à haute voix chacun de ses mots, chacune de ses phrases, même la plus banale. Et à peine la lecture terminée, si brève, j'attendais encore et encore un autre signe de vie. Je l'aimais. Et pourtant, je lui mentais. Je lui mentais sur tout, depuis le début. Je lui mentais ma honte. Cette honte impossible à laver. Cette crasse qui empestait encore l'odeur fétide des couloirs de la petite roquette. Cette salissure d'une cellule sordide qui me restait collée à la peau et ne me quittait jamais. Suis-je donc vraiment celle qu'ils disent? Une femme sale? Une salope au sens littéral du terme? J'ai été une femme libre quand les femmes ne l'étaient pas encore. J'ai été jugée pour cela aussi. J'étais jeune et j'avais eu des amants. Ce matin-là, c'était un lundi, je crois. Je suis allée au hammam. J'ai aidé une vieille femme à se laver. Elle a posé ses mains ridées sur mon visage. Et comme si elle avait senti une certaine douleur, pour m'apaiser, elle m'a caressée, comme pour faire fuir les mauvais génies. Elle ne me parlait pas. Elle me regardait, droit dans les yeux, sans faiblesse. Puis, je me suis allongée sur les pierres chaudes avec les autres femmes. Je suis restée là plusieurs heures, jusqu'à ce que le muezzin appelle pour la prière. Et puis je suis rentrée chez moi. C'est étrange. D'elle, je ne connais rien, ou presque, si ce n'est son prénom, André, et son nom, un nom banal, Dubuisson, c'est tout. Elle ne parle jamais d'elle, ni de ses parents, ni de sa mère, ni de son père. C'est un peu comme si autour d'elle, ils étaient tous morts. Quand elle regarde au loin, à l'océan, elle se cacherait presque pour effacer de ses yeux le souvenir d'un autre temps avant nous, un temps qui nous voudrait du mal. Ce temps-là, secret, elle le porte sur son visage sans pouvoir rien y faire. Il y a dans son regard une peur qui vient du plus éloigné des territoires, celui d'un passé maudit, une vie d'avant à ne surtout pas fouiller, ni raconter, ni voir ressurgir. J'ai essayé plusieurs fois de la questionner, mais j'ai compris que c'était inutile. C'est son secret, cela lui appartient. Après tout, quelle importance? Ici, dans le désert, nous vivons hors du temps, sans passé ni attache, sans autre raison que celle que nous nous aimons entre le ciel, la mer et le sable, en toute liberté. Mon cher Jean, j'ai bien reçu ta lettre du 3 septembre. Je suis contente de savoir que tu seras bientôt de retour. J'ai appris qu'ils avaient installé une nouvelle cabine téléphonique à la poste. Je t'appellerai vendredi pour te donner des nouvelles. Malheureusement, le consulat de France est fermé pour quelques jours en raison de travaux. L'agent diplomatique, M. Louis Labérenne, a pris quelques jours de congé. Nous pourrons mettre au point le dossier de mariage dans le courant du mois, si tout va bien. L'administration et ses lenteurs, que veux-tu? C'est ainsi. Il me tarde d'entendre ta voix. À vendredi. Je t'embrasse, André. Justificatif de domicile, copie intégrale de l'acte de naissance, passeport français, deux témoins. Il suffit de pas grand-chose pour tuer un amour. Une simple signature au bas d'un registre de mairie et la poisse est de retour. Trois fois rien et le poison est là, comme un chien fidèle. l'horreur revient à l'ordre du jour avec son cortège de saleté pour s'inscrire comme une insulte sur le front. Alors je traîne. Je laisse les heures glisser. Je me cache en espérant que le temps fasse son travail, que l'oubli vienne laver la honte. Ce beau projet de mariage, c'était une course contre la montre que Jean, sans le vouloir, ni même le savoir, avait engagé contre moi. Nul ne savait qui en sortirait vainqueur, si les sentiments, si fragiles, qui me maintenaient en vie, l'emporteraient ou non sur les fantômes. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, Jean ? Allô ? Oui, Jean, c'est moi, André. Oui, je t'entends, pas très bien, mais je t'entends. Bon, je peux pas te parler très longtemps, il y a la queue ici. Et tout le monde veut téléphoner maintenant, depuis qu'ils ont installé cette cabine. Et tout se passe bien là-bas ? Je suis si contente, tu vas rentrer bientôt, n'est-ce pas ? Oui, tout va bien. On crève de chaud ici. On aura fini les études de forage ici une semaine, à l'heure qu'il est, et il n'y a rien à faire d'autre que travailler. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de bistrot, rien. C'est un ennui à mourir. Tu me manques beaucoup, tu sais. J'ai une bonne nouvelle. J'ai rencontré Monsieur Labérenne. Il me dit que notre dossier est en bonne voie. Mais il faudra attendre encore un peu pour publier les bancs, le temps que les actes arrivent jusqu'ici. Ça peut prendre encore 2 ou 3 semaines. Tu comprends ? L'administration, c'est ce que c'est. Jean ? Jean, tu m'entends Allô ? Toujours ? Allô ? André ? André ? Je voudrais aussi te dire quelque chose. Quoi ? Quelque chose d'important. Je t'écoute. Je crois que je préférerais te le dire quand tu seras là. C'est grave ? Non. C'est juste une chose entre nous. Ça peut attendre mon retour ? Oui, je crois que ça peut attendre encore un peu. Faut que je te laisse, hein. Y en a qui s'impatientent derrière moi. Déjà ? Je voulais te dire, je t'aime. C'était ça la chose importante ? Oui, je crois. Jean Lafourcade, né le 11 juillet 1925 à Neuilly-sur-Seine. Fils de Paul Lafourcade, ingénieur, et de Marie-Jeanne Lafourcade, née de la Pyrénée sans profession. Je savais tout sur lui. Les papiers du mariage, cela faisait belle lurette que je les avais reçus. L'administration, même ici, n'est pas aussi lente qu'on croit. Ce jour-là, c'était la première fois que j'entendais sa voix depuis son départ. Il y avait sur le guéridon de la salle d'attente du bureau de poste un exemplaire du journal « Détective ». La première page était pour Brigitte Bardot et son rôle dans le film de Clouzot, « La vérité ». Ce film, qui m'a fait tant de mal, va bientôt sortir au Maroc, au Ritz, à Casablanca, pour commencer. Heureusement, dans le désert, il n'y a pas de cinéma. Jean ne pourra pas le voir. Jean, un fils de bonne famille, élevé dans les beaux quartiers, avec pignon sur rue. Que peut-il faire d'une fille comme moi ? Il m'abandonnera, j'en suis sûr, au premier jour où je lui dirai tout. D'ailleurs, c'est normal, comment le lui reprocher ? Alors autant abréger les souffrances. Autant tout dire, sans mentir, sans rien omettre, ni oublier. Accusé, levez-vous. D'après les pièces qui viennent d'être lues, vous êtes accusé d'assassinat. Vous pouvez donc encourir la peine de mort. On ne donnait jamais rien, moi. Parce que vous ne le méritiez pas. Annie, elle, travaillait. Dites-moi, est-ce que tous les garçons ont envie de coucher avec vous comme ça ? Comme ça, tout de suite ? Enfin, tu ne sens pas comme ils regardent tous ? C'est pas de ma faute. Mon cher Jean. Bientôt, nous allons pouvoir nous marier, enfin. Mais, avant toute chose, je voudrais te dire... Non, ça va pas. Mon cher Jean, mon amour... Bientôt, nous allons pouvoir nous marier, enfin. Je ne sais par où commencer, mais tu dois tout savoir. Pourquoi devrait-il tout savoir de moi ? N'ai-je pas le droit de profiter encore un peu de ce silence qui me fait tant de bien? Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'oblige? J'attendrai. Allô, Jean? C'est moi. Je ne peux pas te parler très longtemps, tu sais, on doit partir. Écoute-moi, c'est très important. Il faut que tu me donnes le nom de ton témoin pour le mariage. Sinon, on ne pourra pas publier les bancs. Tu comprends? Moi, ce sera Madame Ramirez. Elle est très gentille, elle habite le quartier à deux pas d'ici. Elle m'a déjà dit oui. Elle t'apprécie beaucoup, tu sais. C'est très important, tu comprends? T'as pensé à quelqu'un? C'est si urgent? Oui. Mais j'en sais rien. Bah, il te faudra bien quelqu'un, pourtant. Mon frère, peut-être, mais il est à Paris. Ici, je connais pas grand monde. Il faut absolument quelqu'un. Qui tu voudras, mais quelqu'un. Alors demande à Jo, le pharmacien, il est sympa. Il nous fournit les médicaments ici, quand on a des soucis sur le chantier. Et je pense qu'il sera d'accord avec tout l'argent qu'on lui donne. Tu es sûr? Elle a raccroché avant même que j'aie eu le temps de lui dire au revoir. Je me suis demandé pourquoi, ce jour-là, elle était si pressée. Au fond, il n'y avait aucune urgence. Notre mariage pouvait attendre quelques jours et même quelques mois encore. Je n'ai compris que bien plus tard pourquoi elle demandait si tôt des témoins. Le soir même, je suis allé voir Jo, le pharmacien de la rue Asna. C'était un type bien. Je lui ai demandé s'il voulait nous rendre ce service et il a accepté bien volontiers. Et il m'a dit avec un grand sourire « Je te souhaite tout le bonheur, André ». Puis je lui ai demandé quelques médicaments pour dormir. J'avais du mal à trouver le sommeil. Puis il m'a embrassé, comme si j'étais devenu d'un seul coup quelqu'un de sa famille. Mon cher Jean, mon amour, maintenant que tout est en ordre, tu peux décider de tout annuler, de me quitter, même sans un mot, quand tu auras lu ces quelques lignes. Je l'accepterai, sans discuter. C'était il y a bientôt 20 ans. J'étais une très jeune fille. J'avais à peine 16 ans. Ils m'ont attrapée par les cheveux. Ils m'ont traînée dans une cave. Ils ont déchiré ma robe. Ils ont dessiné des croix gammées sur mes seins. Et puis ils m'ont violée. Chacun à leur tour. Ils étaient au moins 10. Qui étaient ces hommes? Des résistants? Sûrement pas. Des libérateurs de la dernière heure? Des voyous qui n'avaient pas plus été résistants que je n'avais été collabo? Ils se sont vengés sur moi parce que j'avais aimé un homme. Il était beau, attentionné, tendre et doux. Il avait le double de mon âge. C'était un médecin. Et il avait le grand tort d'être allemand. C'était en mai 1944, à Dunkerque. Ils m'ont traîné dans la rue, parmi les autres. Il y avait d'autres femmes, avec moi, et ils m'ont mise nue. Ils m'ont rasé, des pieds à la tête, même le sexe, en riant et en m'insultant. Je pense aujourd'hui à toutes ces choses qui ont été dites sur moi, que je suis une diablesse humaine, une perverse, une profiteuse, une arriviste, une menteuse, une voleuse, une dépravée, une traîtresse, et que me pendre ne serait que justice. Mais je me demande comment je pourrais être tout cela à la fois. Mon corps souffre encore de ces blessures et je préfère te l'avouer, mon amour. Pour que notre chemin soit pur, il m'est bien difficile encore de me réconcilier avec le désir. Car je crains les hommes pour leur cruauté, leur bestialité. Je sais que tu n'es pas comme les autres. J'espère que tu me pardonneras. Et si elle mentait? Si tout cela était calculé pour me mettre à l'épreuve, me détourner d'elle, tuer dans l'œuf notre projet de vie. Elle avait succombé au charme d'un homme mûr, et alors, la belle affaire, 16 ans, aurait-elle dîné avec le diable à l'aube de sa vie de femme? Qui pourrait la juger? Et nous, les hommes, sommes-nous des saints? Je l'appellerai demain sans faute. Je lui dirai ma façon de penser. En abordant les choses du sexe, je savais que je risquais de le perdre définitivement. Dans un couple, quel est le ciment, si ce n'est le lit? Le lit, ce lieu si dangereux où il se passe tant de choses. C'est là où l'on accouche, là où l'on pousse le premier cri comme on lâche le dernier soupir. C'est là aussi où tant de choses secrètes, inconvenantes, se passent entre l'homme et la femme. C'est là où l'on rêve de mille et une choses la nuit. Ce lieu des caresses, du repos et des nouveau-nés. Aurais-je un jour un enfant de lui? Je ne veux plus rien savoir du passé, tu m'entends? Je veux tout inventer avec toi, André, tout depuis le début. Je veux écrire avec toi notre page blanche, vierge de tout, où nous inventerons notre avenir. Les souvenirs nous tuent, André, tu comprends? Cela nous étouffe. C'est vrai que la liaison n'était pas facile. Je n'entendais pas très bien ce qu'il disait. C'était comme haché dans l'écouteur. Pourtant, je crois avoir compris l'essentiel. Jean est un homme généreux, intègre, et je lui mens, maladivement, comme une garce. Je ne lui ai encore rien dit de mon meurtre, rien. Étais-je bien sûr de ce que je lui disais? Allais-je être capable d'accepter non pas le passé, mais l'avenir avec elle? J'avais un sentiment étrange, celui qui vient du doute, un doute de bonne famille, celui qui vient des femmes, de ce que certaines mères disent à leurs fils à propos des autres femmes. Se méfier, se protéger d'elles, car elles sont toutes dangereuses. Mon cher Jean, mon amour, je n'ai jamais voulu tuer Félix. C'est plutôt lui qui m'a tué. Quand je suis entrée dans sa chambre, il était surpris de me voir. Cela faisait plusieurs semaines que nous ne nous étions plus parlé. Il m'ignorait. Il est vrai que je ne m'étais pas privée de le rendre jaloux. Je savais qu'il détestait me voir au bras d'autres hommes, danser avec eux, boire avec eux, rire avec eux, séduire, juste pour le plaisir d'être désiré. J'adorais qu'on me cherche, qu'on me taquine, qu'on me pique. Il ne le supportait pas. C'était un jeu dont j'aimais le danger. Mais ce n'était pas de l'amour, jamais. Je savais comment m'y prendre avec les hommes. Il était face à moi. J'avais un revolver dans ma poche et j'avais décidé de me tirer une balle dans le cœur pour lui dire combien je l'aimais, comment il m'était devenu impossible de vivre sans lui. Mais il m'a prise de haut. Il m'a traitée de traînée, de fille à soldat, parce que j'avais osé lui faire comprendre qu'il n'était pas seul au monde. Je n'ai pas supporté ses insultes, j'ai voulu en finir. J'ai retourné l'arme contre moi, mais il s'est approché, en m'insultant encore. Alors j'ai pensé à mon père. C'est vrai que papa s'est donné la mort le matin même où il a appris ce que j'avais fait. C'était le 18 mars 1951. Depuis, on m'appelle la ravageuse, la mangeuse d'hommes, la guigne. Étais-je responsable aussi de la mort de mon père? Papa était un type bien. Pourtant, il s'est suicidé au gaz. Il n'avait rien fait de mal. Il n'avait seulement pas supporté de me voir partir menotté jusqu'à la petite roquette après mon meurtre. Je l'aimais plus que moi-même. En pensant à lui, mon père, celui qui me renvoyait à l'enfance, j'entendais la voix de Jean, mon futur mari. Il me chuchotait à l'oreille. André, je me fous du passé. Je te veux, toi, tel que tu es. Repartir à zéro. Avec lui, c'était un rêve. Il me disait... Oui, nous deux, on aura une belle vie. Une maison au bord de la mer. Pas grand-chose. Juste de quoi regarder l'horizon et penser à l'avenir. Je nous vois trois enfants. Deux garçons pour te protéger et une fille qui te ressemblera. Elle aura tes yeux bleus comme l'océan qu'on verra depuis la chambre, depuis le lit, où nous nous aimerons à n'en plus finir. Irréel, comme au théâtre. Trois coups brefs reviennent à ma mémoire, comme toutes les nuits. Trois petits coups secs, tirés d'un rythme régulier qui me hante. Ma main tremble encore. Elle tenait le revolver. Félix s'est effondré. Ses yeux fixes m'ont regardé. Trois secondes. Trois petites secondes ont suffi pour que la mort survienne dans nos vies. J'avais tué Félix Bailly alors que je l'aimais. Je voulais vivre avec lui, mais il ne m'a pas cru. Alors j'ai tiré. Et puis, attirée par le bruit et mes cris, la logeuse est venue. Elle a appelé la police et la valse des sirènes a commencé. J'étais à l'aube de ma vie. Trois coups, trois petites secondes avaient suffi pour faire de moi une meurtrière, une damnée. André, mon amour, enfin les travaux sont finis, je serai là demain. Il me tarde de te voir, de te serrer dans mes bras. Cela fait quelques jours que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Tu ne m'as pas écrit, ni même téléphoné. Pourquoi ? Je te le dis sans crainte, même si tu as des choses sur le cœur bien cachées, cela ne m'empêche pas de t'aimer. Je te le répète, je me fous du passé. À demain, Jean. Je savais qu'à la minute où il saurait qui j'étais, moi, Pauline Dubuisson, la tueuse, la perverse, condamnée à mort puis à perpétuité pour le meurtre de Félix Bailly, mon amant, il me quitterait. C'était écrit « Mektoub », comme on dit ici. Alors j'ai préféré prendre les devants, abréger les souffrances, partir tranquillement, sans plus faire de mal à personne. Lorsque je suis entré dans la pièce, elle ne respirait plus. La fenêtre était entrouverte. Le vent de l'océan battait dans les rideaux. Il y avait quelques feuilles de papier, éparses à même le sol. Ce n'étaient que des feuilles blanches, vierges, sauf une, écrite de sa main, qui commençait ainsi. Jean, mon amour, j'ai encore tant de choses à te dire avant de partir. Mais il n'y avait pas de suite. J'ai interrogé Martha, je lui ai demandé s'il y avait d'autres feuilles que celle-ci, des lettres par exemple. Mais elle m'a dit n'avoir rien trouvé d'autre que cela, et quelques tubes de médicaments renversés près d'elle. Je crois qu'elle m'a menti. Mais je n'en ai jamais eu la preuve. Jo, le pharmacien de la rue d'Asna, est venu nous rejoindre. Catastrophé, il s'est agenouillé près d'elle et a posé un baiser sur son front. Il a posé son doigt le long de son cou pour sentir son cœur. Puis il a clos ses paupières. Son visage s'est soudainement apaisé. Jo avait eu le courage que je n'avais pas eu. Coupé court avec la question terrible que posaient ses yeux bleus et fixes depuis les profondeurs de toute une vie. Elle avait toujours dit qu'elle souhaitait reposer dans le cimetière arabe, avec vue sur la mer, à même la terre, sans nom ni prénom. Devant l'Éternel, elle ne s'appellerait ni Pauline, ni André, ni la douce, ni la tueuse. Elle s'était libérée. Juste avant de partir, de François Luciani, avec Johanna Nizar, Vincent Schmitt, équipe de réalisation, Éric Boisset, Éric Villenfin, Louise Loubrieux, Hélène Bisio. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil,

Donc il fallait que ce soit une histoire vraie. Mmh. Et il n'y a pas d'histoire qui soit plus violente que celle que Pauline Dubuisson a subie. Alors, ce qui frappe aussi, c'est que vous avez écrit à la première personne. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la peau d'une femme. Oui, parce que c'est un challenge en même temps. Ça n'est pas venu tout de suite, d'abord, puisque j'ai écrit à la troisième personne pas mal de versions, mais en même temps, ça devenait tout de suite des espèces de fausses biographies. Et c'était pas intéressant, et c'était pas ce que je voulais faire. Mmh. Ça avait déjà été fait. Et j'essayais, moi, simplement, ce que je voulais, c'était surtout faire ressentir comment Pauline avait, elle, vécu toute cette histoire, qui est une histoire à répétition, en plus, hein, vous le savez. Et comment, je disais souvent, quand je travaillais, j'essaie de me mettre sous sa peau et d'être dans ses terminaisons nerveuses. Voilà. C'était ça le projet. En même temps, c'était le début des difficultés pour moi. Oui, j'imagine. Alors, pourquoi, au-delà de cette prouesse, hein, finalement, littéraire, que vous avez réussi, pourquoi maintenant faire débuter votre récit au Maroc? Bon, évidemment, la deuxième partie de la vie de Pauline Dubuisson est aussi spectaculaire que la première, finalement. Enfin, la première, tout de même, la première. Pourquoi vous vous démarrez à partir du Maroc? Alors, comme vous le savez, Pauline Dubuisson se suicide en 63, elle a 31 ans. Et ces biographes qui ont écrit, il y a deux biographes qui ont écrit sur Pauline, ils ont écrit à charge, racontent tous les deux qu'on a retrouvé dans sa chambre une centaine de feuilles écrites. Sauf que c'est cette centaine de pages, jamais personne ne les a récupérées apparemment, ou si ceux qui l'ont récupérée les ont peut-être brûlées, jetées, on ne sait pas. Elles n'existent plus. Et pour moi, ça a été un véritable déclencheur, parce que écrire à la première personne, c'est une chose, malgré toutes les difficultés que ça peut représenter. Mais il faut surtout que lorsqu'on écrit à la place de quelqu'un d'autre, que cette personne soit en capacité d'être un écrivain. Mmh. Et le fait de savoir qu'elle avait écrit, et qu'elle avait en particulier aussi tenu la bibliothèque de la prison dans laquelle elle a été emprisonnée pendant 11 ans, étaient des éléments déterminants qui me faisaient penser qu'elle aurait pu elle-même écrire ce texte. Voilà, c'est donc... Donc je ne pouvais le faire qu'à partir du moment où elle est libre, c'est-à-dire quand elle arrive à Essaouira. Alors, quand elle arrive à Essaouira, elle porte une valise remplie de haine. Pas la sienne, celle des autres. Pourquoi a-t-elle déchaîné tant de haine? Ah, c'est compliqué, parce que... C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, non, mais ce que je veux dire, dans le sens, c'est que quand on parle de Pauline, si on raconte simplement l'histoire de Pauline, on a vraiment l'impression que c'est une fille qui est un peu légère, un peu folle, etc. Or, c'est pas ça du tout. C'est une fille extrêmement brillante, elle vient d'un milieu bourgeois, elle a 2 ans d'avance dans ses études, malgré le contexte de la guerre, et elle entame des études de médecine qu'elle terminera par la suite. Mais donc on est loin d'être devant, j'allais dire, devant l'idiote que Clouzot a faite, quoi. Ah, justement, tiens, à ce propos, pardon de vous couper, mais je lis un passage de votre livre, avant ce que vous appelez le premier cahier. C'est écrit au moment où Fellini tourne à Dolce Vita, que Clouzot fasse un film sans style et tire de l'histoire de Pauline une histoire sans profondeur basée sur le narcissisme féminin, vous dites n'est pas grave. En revanche, il est plus difficile d'accepter qu'il ait pu faire un film à partir d'une histoire réelle sans tenir compte, que Pauline, son inspiratrice, risquerait un jour de s'asseoir dans une salle de cinéma pour voir la vérité et qu'elle en serait définitivement brisée au point de fuir la France. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui. C'est-à-dire que Pauline, quand elle est sortie de prison, l'année où elle est sortie de prison, le film de Clouzot sortait aussi sur les écrans de cinéma. Donc elle est allée le voir, parce qu'elle savait bien qu'elle était l'inspiratrice quand même de ce film. Mmh. Et à la sortie de ce film, d'abord elle a été terriblement violentée par les médias à ce moment-là, et elle n'a plus d'autre solution. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne serait jamais pardonnée. Donc elle n'a pas eu d'autre solution que de fuir la France. Et c'est comme ça qu'elle est partie à Essaouira et qu'elle a accepté ce poste de médecin. Alors, effectivement, elle espère changer de vie en partant au Maroc. Et elle pensait vraiment réussir cette nouvelle vie après son procès, après la prison, après le film, parce que en France, le Maroc, c'est pas loin de la France. Oui, c'est pas loin, mais c'est quand même de l'autre côté de la mer. C'est de l'autre côté. Donc, dans une autre culture quand même. Oui, c'est vrai. Dans une autre culture et sous un autre nom, puisqu'elle ne va plus s'appeler Pauline Dubuisson, mais André Dubuisson. Elle va donc même prendre le prénom de son père. Et elle espère échapper effectivement à la malveillance, simplement ça. Et elle va donc se retrouver à commencer à reposer les bases d'une vie la plus simple et la plus saine possible. Elle est médecin, elle a des amis, personne n'est au courant de qui elle est réellement. Alors moi, j'ai imaginé à un moment donné qu'elle avait pu être confrontée comme ça à des gens qui parlaient entre eux de la vérité de Clouzot qui venait de voir et qui trouvaient admirable. Et j'imaginais ce que ça pouvait lui faire à elle d'entendre ça, quoi. Mmh. Donc, bien sûr qu'elle a eu envie d'être sauvée, de se sauver. Et simplement le destin, et c'est là où c'était terriblement intéressant chez Pauline Dubuisson, parce que le destin joue un rôle absolument majeur, qui fait qu'au fond son histoire devient une vraie tragédie au sens classique du terme. Exactement, tragédie grecque, et on va en parler tout à l'heure, après avoir écouté un disque. Je voudrais quand même encore vous poser une question avant, concernant son père, puisque vous avez parlé de son père. Ce père qui avait accepté cette relation qu'elle avait eue avec l'officier allemand, là aussi le destin et la vie prennent des couleurs troubles. Quelle est la responsabilité de chacun dans la destinée de Pauline? La destinée. Ce qui est terrible, c'est pour moi le pire dans l'histoire de Pauline, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça au moins que je l'ai analysé, c'est la question du malentendu amoureux et du malentendu entre les pères et les filles. C'est-à-dire que Pauline, je pense, a toute sa vie admiré son père. Et en revanche, je pense que toute sa vie, son père n'a pas supporté cette fille, ne l'aimait pas, au fond. Et s'il l'a autorisé, à avoir une vie relativement libre et à l'élever comme un garçon, c'est parce qu'il ne supportait pas qu'elle soit une fille, justement. Mmh. Et tout ce qui a été... quand elle est arrêtée, en 49, donc le lendemain du meurtre de Félix, son père se suicide à son tour. Et il laisse un mot dans lequel il laisse entendre que je ne peux pas lui pardonner. Mais on ne sait pas ce qu'il ne peut pas lui pardonner réellement, quoi. Et en fait, je pense que c'est le crime ou la relation avec l'Allemand, voilà, avec l'Allemand ou ce qu'elle est. Tout simplement le fait qu'elle soit une femme. Et ça tombe pile, c'est-à-dire qu'on est en 49, donc depuis 47, les femmes ont obtenu enfin en France le droit de vote. Et ce droit de vote, en réalité, je trouve qu'on n'en parle jamais assez de ce point de vue-là, mais crée une panique dans toute la société française, en particulier dans la partie masculine de la société française. Donc une inquiétude terrible. Et soudainement, tout se resserre autour des femmes. Il faut qu'elles retournent au fourneau, il faut qu'elles deviennent des bonnes ménagères, il faut qu'elles se taisent le plus possible, il faut surtout pas qu'elles fassent de vagues. Et Pauline est l'inverse de tout ça. Elle arrive, elle est elle est moderne, elle est une vraie femme moderne, Pauline. Elle est une femme quasiment d'aujourd'hui. Et c'est pas supportable. Venant du milieu duquel elle vient, c'est-à-dire au milieu de la bourgeoisie ne peut pas la reconnaître comme une des leurs. À l'époque, donc il faut la tuer. Elle n'est que suffragette, et ça gêne. Ouais. Bien. Et oui, bien sûr. Allez-y. Pardon, je suis bavard, moi, vous savez. Il faut pas oublier que Pauline a été tondue en 45 à l'âge de 15 ans et demi. Ouais, bien 15 sûr. 15 ans et demi. On imagine le traumatisme. Jean-Luc Seigle, vous êtes à Pau, hein. Ne quittez pas, surtout. Oui. On se retrouve dans 3 minutes. I roam again But I never felt so close to them. My only feelings, a lonely feeling. Jean-Luc Seigle, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Je vous écris dans le noir ». Donc c'est l'histoire de Pauline Dubuisson, et c'est l'histoire de Pauline Dubuisson essentiellement au Maroc, quand elle essaie de se faire une seconde vie. Et puis ça fonctionne pas, hein, on sait, elle finit par se suicider. Dans votre livre, dans la collection de poches, en tout cas une nouvelle suit « Je vous écris dans le noir ». Elle est intitulée « Iphigénie ou les effets de la chasse ». Et vous commencez le récit par ces mots. Iphigénie le sait, demain elle sera offerte en sacrifice. Alors je ne peux m'empêcher de remplacer Iphigénie par Pauline, et la phrase, oui, son sens tient aussi. Ne peut-on pas imaginer que Pauline vient à Essaouira pour être sacrifiée? Le destin de Pauline Dubuisson est-il comparable à celui d'Iphigénie? Il l'est, oui, bien sûr qu'il l'est. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce second texte. C'était pour mettre en miroir quelque chose comme ça de la mythologie qui se jouait aussi dans l'histoire de Pauline. À savoir, c'est ce qui est fascinant chez Iphigénie, c'est la candeur avec laquelle elle accepte que son père la sacrifie. Et ça, c'est une vraie question. Parce que même chez Racine, quand vous lisez l'Iphigénie de Racine, c'est absolument incroyable, parce qu'on lui dit « Ah, tu vas mourir, ton père a décidé de te tuer ». Elle dit « Mon père, en gros, vous êtes sûr ? Oui, très bien. » Et c'est terminé. Droit de vie et mort. Racine, droit de vie et mort. Ça passe en deux répliques. Il n'y a aucune résistance de la part d'Iphigénie. Et je crois que c'est ce qui est troublant dans ces questions entre les filles et les pères, c'est cette façon qu'elles ont de tout accepter de cet homme qui est de toute façon, sinon l'homme idéal, il est de toute façon la représentation de Dieu sur terre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, aussi ça ne crie pas, ça ne hurle pas, ça ne résiste pas, ça ne dénonce pas? Et c'est simplement parce que je crois qu'il y a quelque chose dans l'idée du sacrifice qui est aussi de l'ordre de l'amour. C'est-à-dire, je te tue parce qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, mais c'est une désolation pour moi aussi. Dit en gros Agamemnon. Hein. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a, je pense, quand Iphigénie meurt, on n'entend pas un son. C'est dit dans la tragédie grecque, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un son, rien. Tout s'est tu, tout est silencieux. Et je me suis dit que s'il n'y a pas de son, c'est parce qu'elle a non seulement accepté, mais c'est parce que probablement elle a vu encore une dernière fois dans le regard de son père un regard d'amour. Sinon, c'est pas supportable. Est-ce qu'elle a connu des moments heureux au Maroc pendant cette seconde vie? Ah, je pense, oui. Ah, ça, je suis sûr. Parce que c'est, ça, quand on parle de Pauline Dubuisson, on est dans le drame du début jusqu'à la fin. Ouais. Il y a des moments heureux. Peut-être qu'on pourrait parler des moments heureux. Ben, je pense que les moments heureux sont surtout, chez Pauline, extrêmement liés à sa profession. C'est-à-dire le fait de pouvoir être médecin, qui a été son désir le plus cher, hein, depuis l'âge de 10 ou 11 ans. Elle a toujours dit « je veux être médecin ». Elle a mis, hélas, au départ peu de temps, parce qu'elle était très en avance d'un point de vue scolaire. Après, les événements ont fait que ses études se sont interrompues. Elle les a reprises en 60. Et elle n'a pas eu d'autre rêve que ça, soigner les gens, guérir les gens, aller à la rencontre des autres, était son seul bonheur. Ce qui est extrêmement, apparemment paradoxal d'ailleurs, parce que comme on la traite exactement de l'inverse, pendant tout son procès, la presse va se déchaîner autour d'elle, ils vont dire des insanités sur elle, c'est un monstre, voilà. Donc elle est avide de sang, enfin de choses comme ça. Tout ça parce qu'elle avait fait médecine. Et en réalité, Pauline était absolument l'inverse de ça. Pauline était quelqu'un qui était toujours, je dis bien toujours, du côté de la vérité. C'est pour ça que je déteste la vérité. Le titre du film de Clouzot. Alors une toute dernière chose dans l'épilogue, Jean-Luc Seigle, vous terminez votre livre en citant Jean Cau, qui dans un article de Paris Match, le 15 août 1991, 30 ans après sa mort, écrit ceci. Je vais lire ce qu'il écrit. Même en évoquant les crimes les plus affreux, on a envie d'y comprendre quelque chose, d'être tant bien que mal avocat de la défense, de glisser un brin de pitié ici ou là. Mais avec Pauline, avec cette dure garce, ça ne marche pas. J'ai beau me tâter le cœur, il reste froid. C'est la pire des conclusions sur l'affaire médiatisée de Pauline Dubuisson, puisque ce morceau d'article, cette fin d'article que Jean Cau a écrit, se produit 30 ans après. C'est même pas au moment des faits. Hein. Bien sûr. On est 30 ans plus tard. Mmh. Et 30 ans plus tard, un homme comme Jean Cau est capable d'écrire ça. C'est absolument hallucinant. Ce qu'il y a de terrible dans l'histoire de Pauline Dubuisson, au fond, c'est pas tant que les hommes aient écrit sur elle et mal écrit et dit des choses terrifiantes à son égard, c'est le silence des femmes. C'est-à-dire qu'entre 1949 et aujourd'hui, il n'y a pas une femme, pas une, qui s'est soulevée et qui a pris position pour elle. Ouais. Et ça, c'est extrêmement étrange. Ça a sûrement une explication, mais ça reste de toute façon extrêmement étrange. Bien, merci infiniment Jean-Luc Seigle. Je rappelle le titre de votre livre, Je vous écris dans le noir, et bien sûr il faut lire cette nouvelle Iphigénie ou Les effets de la chasse qui vient juste après Je vous écris dans le noir. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Pauline Dubuisson, juste avant de partir. Une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Hélène Biziot, Louise Loubrieux et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pauline Laverdure et Basile Bocquer.